Je suis sur une route à sens unique. La voiture devant moi, clignotant gauche allumée, veut s'insérer dans la voie de circulation normale. Son allure est plus faible que la mienne. J'aperçois dans le rétroviseur une voiture qui me dépasse. Il est impensable que je prenne la voie de gauche ou que j'accélère. Dans cette situation, je ne peux que ralentir pour laisser s'insérer la voiture qui me précède. Réponse C.